Je suis arrivé ici un peu par hasard, et tardivement en tout cas, puisque bon, moi personnellement j'ai appris avant-hier, donc je devais venir vous parler un peu de ce que nous faisions. Simplement je dirais que bien évidemment, beaucoup de questions déjà soulevées peuvent se reposer à tous les niveaux, mais je voudrais quand même souligner une chose un peu historiquement, puisqu'on parlait tout à l'heure des imperfections naturelles de l'évaluation. Il est particulièrement difficile d'imaginer un système parfait en ce domaine. Moi, j'ai commencé ma carrière, entre guillemets, dans l'évaluation avec les rats de la rue des Saints-Pères, à l'époque où les seules évaluations que nous faisions sur, je ne sais pas, les formations doctorales, les laboratoires de recherche, ça s'appelait la mission scientifique et technique, à laquelle s'est venu à s'adjoindre un P et professionnel quelques années plus tard. Et on œuvrait non seulement dans l'ombre des souterrains, mais dans l'ombre totale. C'est-à-dire personne ne savait qui avait donné un avis sur le laboratoire auprès du ministère. On était nommé parce que quelqu'un un jour nous passait un coup de fil en nous disant « Voulez-vous... » Alors, dans ce contexte, lorsque, sous l'impulsion générale de Bologne, il ne faut pas oublier, est advenue l'agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, c'était quand même une vraie révolution qui allait dans le bon sens. Je veux dire, les évaluateurs devenaient visibles, publics, responsables. C'était déjà pas mal. Donc de ce côté-là, c'était un pas indéniable dans le bon sens. Alors, l'ARS, puisque c'est comme ça que ça s'appelle au début, donc était une agence comme les autres, mais sa perspective d'évaluation, c'était une perspective intégrée. C'est-à-dire ici, nous avons vu effectivement jusqu'à maintenant des évaluations qui portent soit sur les projets de recherche à travers le cadre de l'ANR, soit sur le système du CNRS, qui a une longue ancienneté, j'allais dire, dans la tradition universitaire et de la recherche française, soit les carrières, donc avec quelque chose qui est à chaque fois sectoriel, partage des tâches. Le principe de l'ARS, il ne faut pas l'oublier, c'est au départ de pouvoir donc évaluer aussi bien la formation qui est donnée dans les universités, c'est la section 3, les diplômes, auxquels sont intégrés par exemple les écoles doctorales. Ensuite, de pouvoir évaluer toutes les entités de recherche qui appartiennent à un établissement donné. Et tous ces éléments d'évaluation sont ensuite transmis à la section 1, qui, elle, est la section des établissements, et qui fait une évaluation globale sur l'établissement considéré, c'est-à-dire université par université, ou bien une grande école lorsqu'il s'agit d'art ou d'autres éléments de ce type. Donc c'était une évaluation qui était bien celle de la recherche, évidemment, aussi, que c'est essentiellement de cela que l'on a parlé, mais pas seulement. Donc c'était pour essayer vraiment d'avoir une évaluation intégrée du système de l'enseignement supérieur, lequel bien évidemment comporte la recherche, ça va de soi. Alors c'est pour ça que bon, on procède un peu dans cet ordre et que vous avez tous vu passer l'ARS ou le HCRS chez vous. Vous voyez que souvent les... on procède par vagues, donc on divise effectivement le territoire français en une série de vagues, 5 en général, on fait un cinquième à chaque fois, et il faut que les choses se passent très vite, de façon à ce que quand, par exemple, on va visiter des laboratoires, on puisse voir ce qui se fait côté formation, grâce à cette recherche, et que ensuite les collègues qui font les établissements puissent, en lisant les rapports sur la formation, les formations, les rapports sur la recherche, pouvoir produire une évaluation de la structure dans son entier. Et c'est pour ça que les choses sont très minutées dans le timing du LCERS annuel. Voilà pour les considérations générales sur ce système global, en quelque sorte, sur lequel est né et continue de vivre le HCRS. Alors après, je vous parlerai plutôt de la recherche, puisque personnellement je suis délégué scientifique, et bon, un délégué scientifique c'est quelqu'un qui est recruté, nous sommes nombreux, chacun dans notre domaine, justement, pour organiser, j'allais dire, les évaluations. Alors, organiser les évaluations, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait suffisamment de délégués scientifiques pour qu'il y ait une connaissance, j'allais dire, des hommes et du terrain. On parlait tout à l'heure, c'est à propos de l'ANR, vous parliez d'une certaine latitude que pouvait avoir le président des comités, hein, au départ, et qu'ensuite, en quelque sorte, si j'ai bien compris, on vous a plus ou moins retiré, puisque c'était directement la structure qui fournit les experts. Alors, c'est bien comme ça que ça se passe au niveau du HCERS. C'est-à-dire, par exemple, dans mon domaine, ce sont les sciences humaines, c'est tous les domaines de ceux qui relèvent de la littérature, des arts et des langues. Compte tenu de visite est à faire, on se répartit les visites, les délégués scientifiques, et c'est effectivement moi qui vais aller chercher d'abord un président pour visiter tel ou tel laboratoire. Bien sûr, avant de choisir le président, j'aurai consciencieusement épluché le dossier qui a été déposé par le laboratoire, pour voir ce qu'il y a dedans. Bon, je n'aurai que des laboratoires qui relèvent, de l'univers que je connais, ce qui me permet bien évidemment de pouvoir contacter plus facilement les personnes idoines. C'est plus facile, évidemment, s'il fallait que je constitue, un comité d'astrophysique, je ne connais personne dans ce domaine-là. Comment voulez-vous que je juge de l'opportunité de prendre telle ou telle personne ? Donc c'est ce qui explique la présence de ce gros bataillon de délégués scientifiques dont la fonction consiste à créer les comités et des comités pertinents vis-à-vis des entités évaluées, bien évidemment, enfin, ou en tout cas le plus pertinent possible. C'est effectivement... Je reviens sur des questions qui ont déjà été abordées de notre manière. Oui, au tout début, nous avons tenté de constituer un vivier. On a constitué un vivier par spécialité, dans lequel on peut aller rechercher, une concordance entre les groupes, évalués, les entités évaluées, et effectivement, ces personnes-là. Généralement, ce n'est pas le président du comité, effectivement, qui choisit non plus les experts. Mais ça, c'est plutôt pour une question de temps que pour autre chose. Ça ne posera aucun problème, ça nous simplifierait la vie, Mais nous avons souvent, en sciences humaines, de plus en plus, des laboratoires très composites. C'est-à-dire que dans les universités, pour des raisons structurelles, au niveau administratif, il faut certains seuils numériques pour que l'université, par exemple, puisse accompagner une entité de recherche, une secrétaire, un ingénieur d'études ou de recherche. Et donc, comme la tradition, je parle des SHF, c'était d'avoir de petits groupes dans les universités. Il y avait 12 personnes quand le centre était gros. 25 s'il était encore plus gros, ça n'a rien à voir avec les sciences dures. On me disait toujours, non, le président me dit, comment veux-tu que je te donne ingénieur de recherche, vous êtes 10, j'ai pas les moyens. Ce que l'on pouvait parfaitement comprendre. D'où cette invitation structurelle à ce qu'on dit. Mais du coup, scientifiquement, on va retrouver à l'intérieur, ça n'a rien à voir avec les structures, si vous voulez, du HCR, c'est la réalité de terrain, avec, 4 anglicistes, 3 historiens. Il y a des situations pires. Je dois m'occuper pendant 15 jours d'un groupe polynésien. Il y a 12 sections de CNU et 15 personnes dans le... que faire ? Mettre 15 experts, ça fait beaucoup. Je veux dire, vous trouvez les candidats là. D'autant que, par exemple, il a fallu que je cherche des spécialistes. Il a fallu que je cherche des spécialistes de langue tahitienne, il y en a deux hors des problèmes. Ils ont été gentils, ils ont accepté. Mais ils ont aussi bien pu me dire que, parce que pour des raisons très compréhensibles, qu'ils n'avaient pas le temps, aux périodes que je leur proposais. Donc bon, j'ai réussi à trouver un président qui est spécialiste de la dominante de cette entité de recherche. Non mais voilà le genre de problème auquel on se trouve confronté. C'est bien moins vrai dans les sciences dures. Hein. Et puis, il y a des usages différents selon les secteurs. C'est-à-dire que quand on va faire un gros laboratoire de physique, de chimie, que sais-je, à Orsay ou ailleurs, il est bien évident qu'il y a 15 personnes dans le comité qui vont y passer 3 ou 4 jours pour faire des visites, parce que ça ne relève pas de système équivalent. Et donc, dans le travail que fournit l'ARS ou postérieurement le HCRS, il y a cette adaptation sans cesse, en train d'adapter les structures de la visite du comité à la réalité visible. Ce qui entraîne effectivement quelques modulations, puisque bon, votre cœur de problème, c'est qu'est-ce qu'on évalue, comment, d'où et pourquoi. Je veux dire, effectivement, on ne peut pas évaluer un laboratoire de spécialistes de grec ancien où ils sont 4, de la même façon qu'une unité de l'INSERM où il y a 250 personnes. C'est une évidence. Donc, le travail de HCRS, c'est de s'adapter à cette réalité. Alors après, dans la constitution de ces comités, bon, il y a, comme vous le savez, une règle aussi, c'est de faire appel, c'est-à-dire aux compétences d'expertise des structures voisines. Lorsqu'on constitue un comité d'évaluation pour une unité de recherche. Le premier travail que l'on a à faire, par exemple, c'est de repérer quel est le groupe de section CNU qui est numériquement le plus représenté dans l'entité de recherche. À partir de là, on sollicite auprès du président de la section du CNU correspondante un représentant du CNU pour venir faire partie de ce comité de visite. Lorsqu'il s'agit de l'UMR, le principe est exactement le même avec le CONRS. Et je ne sais pas si vous avez vu sur les dernières publications du bulletin du HCRS, il y aura dorénavant systématiquement un représentant aussi des ingénieurs de recherche qui sera adjoint à ces comités. À l'époque, il y avait un observateur, simplement, qui venait d'ailleurs au fait du CNRS. C'est, bon, donc le président Cosnard a décidé qu'il y aurait un représentant, j'allais dire que il y a énormément de laboratoires où effectivement ils ont vraiment un rôle d'appui très important dans la recherche, et donc il est normal qu'il soit représenté. Bon, c'est un gros effort financier qui sans doute le président le retrouvera quelque part dans sa maison. Je ne sais où il trouvera l'argent, parce que, comme partout, les subsides du HCRS vont baissant. Il faut le savoir. Donc, on essaie là aussi de trouver quelque chose, disons, en moyen terme, qui permette à la fois de garder une rigueur dans l'évaluation, dans les scientifiques, qui puisse tenir compte aussi du fait que il faut faire avec le budget qui nous reste. Alors, il y a une chose aussi qui a changé. Je vais vous présenter les grandes lignes de ce système hein, pour ne pas dépasser les 20 minutes fatidiques. Vaut mieux, dans le fond, rester dans la synthèse. Il y a des évolutions, il y a forcément au fil du temps. Au début, l'ARS, lorsqu'elle a été créée, fonctionnait encore avec un système ministériel centralisé. C'est-à-dire que c'était encore l'époque où chaque entité recevait directement son enveloppe du ministère affectée au laboratoire, non plus comme aujourd'hui par le truchement de l'université qui fait sa répartition interne. Non, à l'époque c'était encore à la création comme ça. Ce qui fait qu'il y avait un système de notation. Laquelle notation, effectivement, au tout début, entrait dans les clés de répartition budgétaire du ministère. Le ministère faisait sa dotation sur la base des rapports et des notes qu'on transmettait. Lorsque on est passé aux compétences élargies, eh bien à partir de ce moment-là, ce sont les universités ont reçu une enveloppe globale qu'elles étaient chargées de ventiler en leur sein. Alors, cette notation qui a existé, elle était faite au début dans l'esprit de l'ARS. Il y avait quatre notes, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y avait, bon, en partant du bas, C, B, A et A+. Alors, l'idée de l'ARS, c'était que ces quatre notes n'étaient pas asymétriques ou arithmétiques. C, c'était une unité qui devait revoir un certain nombre de choses dans son fonctionnement parce que ce n'était pas au point. Une unité classée B, c'était une université, une unité classée B, c'était une unité qui avait un fonctionnement réputé normal, certes améliorable, mais qui était correct. A, c'était donc un bon laboratoire. Et l'idée, nous disait-on, c'était de garder le fameux A+, le vocabulaire dit beaucoup de choses, pour dégager les pépites. Et ça, je me souviens de ce terme qui m'avait frappé, ça permettait de dégager les pépites dans le système. Bon, alors, comment est-ce qu'on mettait des notes à l'époque? C'est-à-dire, chaque comité qui faisait la visite d'une entité de recherche, donc distribuait des notes par critères, et puis une note globale. Vous avez dû avoir ça. Donc il y avait à l'époque simplement quatre critères. Donc, et une note globale. Lorsque ces notes avaient été mises, on réunissait en réunion de restitution tous les présidents, par secteur, évidemment. SHS lettres, SHS sciences droit, bon, ensuite les sciences dures, etc., là aussi par secteur. Et donc, les présidents entre eux faisaient en quelque sorte un classement tacite par les notes. Comment dire, ça n'est jamais simple. Il y a toujours des phénomènes de défense de corps. C'est-à-dire que, bon, pour ce qui me concerne, c'est les professeurs, enfin, les présidents de comités de laboratoire de lettres étaient persuadés que leur A+ valait beaucoup plus que celui d'un laboratoire, que sais-je, d'anglais ou, vous voyez, ou d'historien, et vice-versa. Donc, c'est humain, ça joue toujours. Et il était parfois difficile, puisque c'était aux délégués scientifiques que revenait le rôle d'arbitre, de siffler la mi-temps, hein, et d'être sûr que ces mécanismes parasites ne venaient pas perturber, ça c'est obligé. Bon, alors on faisait notre mieux, hein, et je pense que quand même, enfin j'ose espérer que la plupart du temps on y est arrivé, mais je veux dire, c'est tout le problème lorsqu'on a des classements relatifs à fournir. Donc, cette notation... L'usage qui en a été fait dans les universités ensuite, lorsque c'est les universités qui ont réparti l'argent, a commencé à tordre un peu la philosophie initiale. Puisqu'il y avait quatre notes, c'est le plus simple effectivement, c'est de l'arithmétique de base, hein, mais le plus simple effectivement c'est d'en mettre deux d'un côté, deux de l'autre. Quand il n'y en a que trois, c'est difficile. Il y en a une au milieu dont on ne sait que faire. Mais quand on en a quatre, donc la plupart du temps que se passait-il, il y avait les B et les C. Qui voyaient leur budget faiblir dans les universités, et les A+ et A, qu'ils voyaient maintenir ou monter. On avait beau expliquer au président et au vice-président en recherche que non, c'est pas exactement ça la philosophie. Quand on est un B, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas bons. C'est quand on est un C, d'accord. Mais donc ça a été un peu dévoyé. Le principe a été un peu dévoyé, et bon, c'est ce qui est remonté des collègues de toutes les disciplines, disant oui, mais on comprend parfaitement, parce qu'évidemment, nous sommes tous à la fois directeurs de labo, puis membres du conseil scientifique, ou enfin, à l'époque, ou de l'administration. Donc, on comprenait parfaitement que ce système-là était facile, aisé dans la gestion, mais parfois assez injuste dans les faits. Hein. Donc. C'est la raison pour laquelle, petit à petit, on s'est demandé si il ne valait mieux pas quand même sortir du système de la notation pour essayer de remplacer ces notes par des appréciations qui obligeraient les décideurs, puisque la décision est à prendre dans chaque université, à lire les rapports. Et pas simplement à prendre les quatre notes et puis à dire, à faire les moyennes. Alors c'est... c'était l'ancien directeur des unités de recherche, qui était un scientifique, qui a eu l'idée de remettre en cause le système de la notation. Je veux dire, donc, lui-même n'était pas convaincu par une simple approche arithmétique du problème. C'est pas gravé dans le marbre. Peut-être faudra-t-il un jour y revenir. Les pistes sont ouvertes, je veux dire, l'ARS, évidemment, essaie de s'adapter aux évolutions et essaie d'avoir un mécanisme d'organisation de ces évaluations en feedback par rapport à ce qu'elle voit se passer au sein des universités. Moi, personnellement, dans mon domaine, je vois se passer des choses sans notation qui me paraissent bizarres, quand même. Si je prends l'exemple, par exemple, de Bordeaux, ou même de Toulouse en lettres, c'est-à-dire enfin la science humaine d'une manière générale. Quand il fait, eh bien, comme ils n'ont plus de notes, ils prennent le nombre de ressortissants titulaires du laboratoire pour répartir les crédits. Ce n'est pas parce que vous avez un laboratoire de 55 personnes qu'il est forcément plus performant, vous allez dire, que celui qui en aurait 24. C'est des commodités de gestion, je le comprends bien. Mais du coup, vous voyez, ça nous amène à nous poser la question au sein du HCRS, et faut-il rester sans notes? Ou faut-il revenir à une notation? C'est pour ça, la question n'est pas tranchée, mais nous avons été, dans les difficultés que nous avons rencontrées, structurelles, nous avons été paralysés un petit peu pendant plus de temps. Nous n'avions plus de président, sauf pour expédier les affaires courantes, puisque ça n'était plus lui, tout le monde le savait, on lui a demandé d'assurer le joint, mais le nouveau n'était jamais nommé. Par voie de conséquence, nous n'avions plus de conseil d'administration. Alors pendant un an, aucune décision ne pouvait être mise en place, puisque forcément, il faut qu'elle soit validée par le conseil d'administration. Donc nous sommes restés dans cette structure. Maintenant, ça y est, oh, c'est assez récent, Donc que nous avons repris une activité normale, nous pouvons à nouveau faire en sorte que ce conseil se concerte et prenne des décisions. Donc je vous dis, par exemple, l'histoire de la notation, peut-être reviendra-t-elle si, l'absence des notes crée un déficit de possibilités de gestion. Alors, il y a aussi un transfert des responsabilités qui se produit. C'est-à-dire si, comme je vous le rappelais au début, j'ai peut-être dépassé la main. Je crois bien juste réussir à... D'accord. Je termine juste sur une phrase ou deux. Je termine juste sur une phrase ou deux. Ce que je veux dire, c'est que la problématique dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle, effectivement, c'est celle d'essayer d'être toujours dans un système de réadaptation en fonction des réalités. Je parlais de cette histoire de notation qui reviendra ou qui ne reviendra pas, on va voir. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que, c'est là-dessus que je voudrais arrêter, la fonction n'est plus tellement, finalement, une évaluation en valeur absolue. La fonction devient une fonction d'audit sur la section 2. Nous conseillons. Et c'est d'autant plus essentiel aujourd'hui que des communes sont en train de se mettre en place, que des restructurations sont nécessaires et que les décideurs ont besoin d'appui technique pour décider. Donc voilà quelle est à l'heure actuelle, de plus en plus, je trouve, l'orientation que prend la section des unités de recherche au sein du HCRS. C'est très très condensé, mais bon. Merci beaucoup. Cela dit, c'est très très différent sur les problèmes qu'on a pu avoir et sur les prises de position du haut conseil.